Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 Boulevard Walberg, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. On va parler des castors de Dolbeau, castors midget avec le coach Robin Boulian. Salut Robin. Salut Danny. Robin, fiche de une victoire, trois défaites depuis le début. On sait que j'ai des chroniques du Marco Spa, puis j'ai des chroniques des castors. Donc, comment une victoire, trois défaites, es-tu content? Ben, écoute, moi, c'est comme depuis le début, je focus pas sur les résultats d'un bain, plus sur le comportement dont nos joueurs se présentent sur la glace. Puis à ce compte-là, bon, notre premier match contre Chicoutimi, on a perdu 6-4, mais on avait beaucoup de joueurs blessés. Okay. C'est quand même bien débrouillé malgré tout, l'effort était là. Deuxième match contre Saint-Félicien, on a perdu 8-1. Là, je vois, tu sais, j'enlève rien, tu sais, on avait une très bonne opposition devant nous. Je pense qu'il faut donner le crédit au Marco Spa. Par contre, nous autres, on s'est vraiment inclinés. On a baissé pavillon. Je pense qu'au niveau attitude, on était intimidés, dérangés, ce qui fait qu'on, durant ce temps-là, ben, on perd la moitié de nos capacités. Donc c'est ça. Fait qu'on a appris de ça, par contre. Okay. Puis après ça, on a joué contre Alma et l'Abbé. On s'est fait de 2-1 contre Alma. Puis on a 1-0, une bonne partie de la game. Bon, des petites erreurs mentales qui nous ont coûté 2 buts en fin de match. Mais par contre, on est bien revenu au niveau de l'intensité du travail là, par rapport à notre dernier match. OK. Puis finalement, ben, contre l'Abbé, on a eu une victoire à notre dernier match. On perdait 3-0. On a réussi à remonter ça 4-3 pour gagner en prolongation. Et là aussi, je pense que l'effort des joueurs a été soutenu pendant les 3 périodes. OK. Donc, si... mais est-ce que ça paraît que l'équipe, il n'y a pas eu d'équipe l'an passé? Ben, oui, je dirais qu'au départ, aucun entraînement, on le voyait. Mais là, je pense que tranquillement, on prend le dessus là-dessus. Puis, il n'y a pas eu d'équipe l'an passé. Par contre, il n'y avait pas de mise en échec l'an passé. On était au même niveau. Okay. C'est sûr qu'il y a des joueurs là-dedans qui étaient de calibre Midget 2B qui ont joué Midget A. Que là, je pense qu'ils sont en train de rattraper le retard qu'ils ont pris au cours de cette année-là. Mais okay. Je te dirais que plus la saison va avancer, puis moins on va le sentir. OK. Fait que en fin de semaine, ça dit quoi? Cette semaine, on joue seulement qu'un match. Donc, okay. On a un match quand même assez difficile contre les Marquis. OK. Qui va être une équipe, je pense, qui va ressembler beaucoup au Marco Sport. Là. Donc, c'est ça, dimanche après-midi. OK. Dimanche après-midi à 13h, c'est ça? C'est en plein ça. Bon. Ben, Robin, on se reparle jeudi prochain? Parfait. C'est la chronique des castors de Dolbeau avec Robin Boulian.